Vous êtes assez fou. 89.1. Cette semaine, au Mathieu Planchot. Dans Télévisine, Télévisine, les ados passent en moyenne 9 heures par jour devant un écran. Y'a personne qui chiale parce que nos écrans passent 9 heures par jour devant nous. Outrage. Dans le segment Geek Scénix, une start-up veut transformer des SDF en bornes Wi-Fi. Prochaine étape, transformer les prostituées en satellites et les écureuils en tour de téléphone. Et dans Merci Science, une peau artificielle qui peut sentir et entendre. Au Mathieu Planchot tout de suite. Et voici celui qui passe plus de temps par semaine à la radio que l'ado moyen passe devant un écran. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 9 novembre 2015, la chronique télévisuelle Télévisine Télévisine, la chronique de sciences, technologie et médecine, merci science, le segment Geek CNX et c'est un fait Tech Edition à toute fin. Pour commencer l'émission, par contre, un petit peu de musique chiptune, hein, inspirée à partir. La phrase est pourtant la même à chaque semaine. Inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. On écoute pour commencer l'émission l'artiste I.O. Error. I.O. Error, oui. Avec la pièce Icarus tout de suite au Mathieu Plante Show, assez fou! L'artiste I.O. Error avec la pièce Icarus au Mathieu Plante Show. On débute l'émission avec Télévision, Télévision. C'est Télévision, Télévision. On parle des nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Commençons avec Claude Poirier, toi. Claude Poirier qui va traiter l'affaire criminelle non résolue à Historia, la chaîne de télévision. Claude Poirier va être à la barre d'une nouvelle série de la chaîne Historia dans laquelle il réanimera des affaires criminelles marquantes non résolues. L'expert judiciaire fouillera ces cas qui n'ont pas connu de dénouement menant à l'arrestation des coupables. Les familles des victimes, des témoins, des enquêteurs et d'autres protagonistes impliqués de près ou de loin dans ces histoires collaboreront avec M. Poirier. Par communiqué, il a expliqué qu'il y avait selon lui trop de crimes dont les coupables n'ont pas fait face à la justice, des crimes non résolus qui l'obsèdent. Selon lui, en refouillant, de nouveaux éléments peuvent surgir et aboutir et il souhaite pouvoir offrir aux familles impliquées les réponses à leurs questions. La vice-présidente à la programmation d'Historia, Brigitte Vincent, rappelle pour sa part que Claude Poirier a consacré sa vie aux affaires judiciaires et cumulé pas moins de 55 ans de métier. La série comptera 10 épisodes de 30 minutes et sa diffusion est prévue au cours de la prochaine année. C'est le genre de choses que j'aimerais regarder. Ensuite, le CRTC, on passe au Canada, déjà rien, au Québec, rien. Au Canada, donc, le CRTC veut faire le lien entre la télé et son public. Qu'y a-t-il de bon à la télé ce soir, nous demande la presse. C'est la très populaire question autour de laquelle le CRTC conviera tous les intervenants du milieu de la télévision à une grande discussion, avec pour objectif d'améliorer la découvrabilité des contenus télévisuels en cette époque de multiplication des canaux. Les 1er et 3 décembre prochains, Vancouver et Montréal tiendront respectivement deux conférences intitulées « En route vers le sommet de la découvrabilité ». L'organisateur, le CRTC, souhaite qu'elles puissent déboucher sur de nouvelles solutions pour que les consommateurs arrivent à retrouver le contenu qui les attire et que les producteurs arrivent à faire remarquer le leur. Les amateurs de télévision canadiens ont aujourd'hui accès à des centaines de chaînes traditionnelles ou spécialisées, à des services de diffusion Internet comme Netflix, ShowMe, Too.tv ou encore Illico.tv, sans compter YouTube. Une panoplie d'autres canaux de diffusion basés sur Internet. Tous offrent des contenus exclusifs et non exclusifs. L'offre est telle qu'il est de plus en plus difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Et pourtant, malgré une offre en apparence sans fin, 50% des consommateurs de télé linéaire affirment... Ça, la télé linéaire, c'est simplement la télé, hein, finalement. Ce qui se passe dans votre télé. Affirmait dans une étude récente menée par Ericsson Constater... Oui, par Ericsson constatait au moins une fois par jour qu'il n'y trouvait rien de bon à regarder. Drôle de phrase. C'est la presse, pourtant. Cette proportion grimpait à 62% chez les 25-34 ans. L'Office national du film sera partenaire du CRTC dans ces discussions. Le célèbre producteur de contenu fait face au problème de la découvrabilité depuis toujours, selon son président, Claude Jolicoeur, qui rappelle au passage que son organisme n'a jamais détenu de chaîne de télé. Il a commencé à diffuser ses œuvres grâce à des projectionnistes se promenant parfois en traîneau à chien et qui doit maintenant trouver une façon de rendre son contenu disponible dans une mer. Mais tu vois qu'au moins, ils essaient. C'est ça la chose à faire. Sinon, l'article est beaucoup plus long que ça. Il y a plein de détails sur assemblagerequis.com, mais important à savoir, 1er et 3 décembre à Vancouver et Montréal, en route vers le sommet de la découvrabilité. Toujours au Canada, celui qui a orchestré la grande réconciliation de l'industrie lors des 30e prix Gémeaux, Richard Speer, quittera la présidence du conseil d'administration de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, l'ACCT, au Québec à la fin de l'année. 3 ans à peine après son arrivée en poste, il sera remplacé par Mario Ciccini à compter du 1er janvier 2016. La mission de l'Académie est essentielle pour notre milieu, a dit M. Ciccini. Il est impatient de se joindre à l'équipe et assurer avec elle la reconnaissance et la promotion de la créativité des artistes et artisans d'ici. Il compte d'ailleurs poursuivre le travail exceptionnel accompli par Richard Speer pour rassembler l'industrie. Mario Ciccini est depuis 2013 le président de Corus Media, filiale de Corus Entertainment, qui exploite les chaînes spécialisées Historia, Série Plus, Télétoon, la chaîne Disney et il dirige aussi Corus Radio. Maintenant, les grands honneurs vont à This Hour's 22 Minutes pour les prix Écran canadiens. L'émission humoristique du réseau anglais de Radio-Canada, donc la CBC, This Hour's 22 Minutes, et l'ancien président de Bell Media, Ivan Ficken, figure parmi les récipiendaires des prix spéciaux des prix Écran canadiens. L'Académie canadienne du cinéma et de la télé a annoncé des premiers lauréats de la célébration qui s'étalera sur une semaine en mars prochain. Un prix icône de l'Académie sera décerné à This Hour's 22 Minutes, une émission de variété acclamée qui fait très, très énormément penser à ce que le Daily Show fait aux États-Unis, ce que La fin du monde est à 7 heures faisait au Québec. Une émission d'analyse de nouvelles de façon humoristique avec des reportages, des trucs comme ça. Donc, critiquant par l'entremise de sketchs satiriques des événements politiques, disent-ils. Le prix hommage du conseil d'administration de l'Académie sera attribué à Ivan Ficken, qui évolue au sein de l'industrie médiatique depuis plus de 40 ans, ayant occupé des fonctions à CBC Radio, CBC Télé, CTTV, NBC et CTV. Il est actuellement président exécutif de Thunderbird Films. Mark Starowitz, à l'origine de la série documentaire de 30 heures diffusée à CBC, Canada, People's History, obtiendra le prix Gordon Sinclair pour le journalisme parlé. Originaire de Montréal et diplômé du programme Arts and History de l'Université McGill, il s'est démarqué à CBC Radio avant de migrer vers la télévision publique. Anna Serrano, directrice de la stratégie numérique du Canadian Film Centre, se verra remettre un prix du pionnier en médias numériques. Karen Walton, scénariste ayant travaillé sur le film Ginger Snaps et sur les séries télé Orphan Black et Flashpoint, recevra le prix Margaret Collier, tandis que le prix humanitaire reviendra à PAL Canada, qui offre des services à l'attention d'artistes professionnels canadiens aînés ou dans le besoin. Ces prix spéciaux de l'Académie, ainsi que ceux qui seront annoncés dans les prochaines semaines, seront remis lors de la Semaine du Canada à l'écran du 7 au 13 mars 2016. Maintenant, on s'en va aux États-Unis avec Jean-Claude Van Damme, héros d'une comédie de Ridley Scott. Jean-Claude Van Damme sera le héros d'une comédie produite par Ridley Scott. Scott Free, société de production du réalisateur, annonce la mise en chantier de Jean-Claude Van Johnson. Une comédie que la star des films d'action portera sur ses épaules. 8 ans après le film JCVD, Jean-Claude Van Damme s'apprête à jouer à nouveau un clone de lui-même. Dans la série, il portera le nom de Jean-Claude Van Johnson, un acteur à la reconnaissance internationale qui se transforme la nuit en un redoutable et dangereux mercenaire. La comédie sera écrite et produite par Dave Callahan, qui a fait ses gammes au grand écran sur Doom, Godzilla et la franchise des Sacrifiés. Maintenant, Johnny Depp et Eva Longoria, producteurs pour la télé. On a déjà parlé de Eva Longoria plusieurs fois. Ces séries n'ont jamais vraiment fonctionné jusqu'à maintenant. La star de Pirates des Caraïbes, dont Johnny Depp va produire Designated Survivor pour la Fox via sa société Infinitum Nihil. De son côté, Eva Longoria va travailler sur un nouveau projet pour ABC avec Unbelievable, avec Eva en majuscule pour le nom du personnage principal, selon Deadline. Unbelievable Entertainment, j'avais oublié un nom, un mot. Donc, pour le moment, le contenu de ces projets reste assez vague. Comme son nom l'indique, Designated Survivor suivra les aventures du survivant désigné, celui qui, aux États-Unis, est un membre du cabinet présidentiel choisi par le président pour ne pas assister à un événement où lui-même et les principaux responsables du pays sont présents en cas de catastrophe provoquant la mort de tous les participants, comme lors d'un attentat. De fait, cette personne prendrait les pleins pouvoirs et deviendrait automatiquement le nouveau président des États-Unis. Pour le projet de Eva Longoria, c'est encore plus flou puisqu'il n'a même pas encore de nom, nous dit cet article de Relax News. Selon Deadline, il s'agirait d'une série se déroulant au Texas et mettant en scène une famille de politiciens directement inspirés de la vie des jumeaux Jillian et Joaquin. Joaquin, qu'on dit, il me semble. Castro. Joaquin. Bref, peu importe. Respectivement secrétaire d'État au logement et ancien maire de San Antonio et élu au Congrès américain. Ces deux projets-là sont en cours d'écriture sous la direction de Nikki Toscano. Excellente sorte de pâte, d'ailleurs. Call of Duty et Skylanders au cinéma et à la télévision. Oui, oui. Le groupe américain Activision Blizzard veut décliner ses jeux vidéo à la télé et au cinéma avec l'aide de ses propres studios de production qui commenceront par adapter Skylanders et Call of Duty. Les Activision Blizzard Studios se seront co-dirigés par un ancien responsable du géant des médias Disney, Nick Van Dyke. Leur toute première production sera une série télé d'animation Skylanders Academy. Activision envisage ensuite à moyen terme plusieurs films inspirés de Call of Duty et la possibilité d'adaptation pour la télé. Skylanders, dont le premier opus est sorti en 2011, fait partie de relativement nouveaux types de jeux vidéo qui se combinent avec des figurines à collectionner. Là, vous avez vu dans les grandes surfaces, les magasins à rayons, qu'il y a presque juste ça des rangées de jeux vidéo de nos jours, que des petites figurines. Donc une recette qui a été reprise par Disney avec Infinity, par Nintendo avec les Amiibo. Le jeu de tir Call of Duty est pour sa part un des titres les plus populaires au monde. Il a rapporté plus de 10 milliards de dollars à Activision depuis la sortie du premier volet en 2003, avec un nouvel épisode tous les ans. Le dernier est sorti très récemment, Black Ops 3. Des jeux célèbres d'autres éditeurs ont déjà été transposés dans le passé sur grand écran. On se rappelle des flops que ça a fait, sauf peut-être Tomb Raider, Resident Evil, trucs comme ça. Donc voilà pour Call of Duty et les figurines. On a fini pour les États-Unis, on s'en va sur Internet avec la série Sneaky Pete qui débarquera sur Amazon en 2016. Série produite par Bryan Cranston, évidemment de Breaking Bad, Sneaky Pete débarquera en 2016 sur Amazon. La plateforme américaine bras audiovisuel du site marchand en ligne accueillera l'an prochain cette série confectionnée par la star de Breaking Bad, le chimiste lui-même, et par le créateur de Dr. House. Sneaky Pete s'intéressera à Marcus, détenu d'une trentaine d'années qui sort de prison en usurpant l'identité de son compagnon de cellule afin d'échapper à la mafia et à son triste passé. Une fois dehors, il travaillera dans l'entreprise familiale et découvrira une vie de famille qu'il n'a jamais connue. Conçue par Bryan Cranston et David Shore, les créateurs de Dr. House, la série avait été initialement prévue pour CBS. Amazon avait repris le projet à son compte en juin dernier suite au désistement du réseau. Pourtant, avec Bryan Cranston en ce moment, n'importe qui mise là-dessus risque de ramasser un gros magot. Seth Gordon, réalisateur de la comédie Méchant Patron, a tourné l'épisode pilote qui compte l'acteur Giovanni Ribisi, qu'on connaît du film Ted, au sein de sa distribution. On continue avec Netflix maintenant. Une série documentaire s'en vient. Netflix va ajouter donc un documentaire True Crime, donc sur des crimes dans la réalité, dans la vraie vie, en 10 parties à sa série originale, oui. Making a Murderer couvrira l'histoire d'un homme qui a passé 30 ans dans les prisons américaines. Le service de streaming américain lancera la série documentaire le 18 décembre pour les membres dans le monde entier. La série est réalisée par Laura Ricciardi et Moira DeMoss. Making a Murderer est le dernier documentaire original Netflix faisant suite à The Square, Viranga et What Happened Miss Simone. Et la deuxième série documentaire, Chef's Table, étant donc une docu-série. Les deux personnes que je viens de mentionner avec des noms difficiles à prononcer ont été inspirées par un article du journal, d'un journal qui documentait l'histoire de Stephen Avery, un homme jeté en prison pendant 18 ans. Pas mal sûr qu'il n'a pas été jeté en prison pendant 18 ans. Il a sûrement été jeté en prison et ensuite a passé 18 ans. Pour agression sexuelle qui a ensuite été disculpé pour ensuite retourner en prison pour le meurtre de la photographe Theresa Halbach. Et pour la dernière décennie, Ricciardi et Demos ont suivi ce suspense juridique documentant comment Avery, un délinquant un peu bizarre, a été reconnu coupable et plus tard disculpé de l'agression sexuelle. Donc, Making a Murderer examine les allégations de la police et l'arrêt de l'incarcération, les falsifications de preuves et les témoignages de coercion. Les réalisatrices regardent ce qui a mal tourné dans le premier cas et aussi tentent de savoir si les progrès scientifiques et les réformes législatives au cours des trois dernières décennies nous rendent plus facile la recherche de vérité et plus certaine le système de justice. Parmi les autres nouvelles, le comédien britannique Jimmy Carr va enregistrer un stand-up pour Netflix. Ça n'a absolument rien à voir avec l'article, mais oui. Donc, sur Netflix, il s'en vient avec du stand-up. J'aime les articles qui finissent avec quelque chose qui a absolument rien à voir. Les ados passent en moyenne 9 heures par jour devant un écran. Nous rapporte l'Associated Press, les adolescents passent donc en moyenne près de 9 heures par jour à regarder un écran, démontre une enquête américaine dont les conclusions ont été rendues publiques récemment. La télévision et la musique demeurent les choix les plus populaires, en dépit des options qui se multiplient. L'étude du groupe Common Sense Media révèle que 2/3 des adolescents écoutent de la musique chaque jour, contre 58% qui font de même avec la télé. En comparaison, 45% d'entre eux fréquentent les médias sociaux tous les jours, mais seulement 36% aiment beaucoup cette activité. Ils étaient 2 fois plus nombreux à beaucoup aimer leur musique. Les jeux vidéo sont plus populaires auprès des garçons qu'auprès des filles. Les adolescents consacreraient en moyenne 56 minutes par jour aux jeux vidéo, contre 7 minutes quotidiennement pour les adolescentes. Les filles étaient en revanche beaucoup plus actives sur les réseaux sociaux. La moitié des jeunes ont admis qu'ils regardent la télé souvent ou parfois en faisant leurs devoirs, tandis que 76% d'entre eux écoutent de la musique en étudiant. La moitié d'entre eux estiment que la musique les aide à travailler, contre 6% qui croient qu'elle leur nuit. Hey, je fais partie du 6%, j'aime ça être à part les autres, c'est le fun. Les 2/3 des adolescents sont d'avis que le fait d'écouter la télé ou de texter en faisant leurs devoirs n'interfère pas avec leurs études, même si de plus en plus d'études scientifiques démontrent le contraire. Et maintenant qu'on a terminé avec les nouvelles, allons-y avec les codes d'écoute pour la semaine du 19 au 25 octobre. Commençons par le Québec et les positions à 15-6 en rafale. En direct de l'univers, le tricheur, le hockey des Canadiens, LOL, les dieux de la danse, mémoire vive, les pêcheurs, les enfants de la télé, vlog et haut. En 5e, au secours de Béatrice. En 4e, le banquier. En 3e, boomerang. En 2e, tout le monde en parle. Et en première, c'est Unité 9. Du côté du Canada anglais, 15-6 en rafale. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Code Black, HNIC Prime East, sûrement du hockey, The Flash, Canada Votes, How to Get Away With... How to Get Away With Murder, Canada Votes encore, de 23h à minuit. Criminal Minds, NCIS New Orleans et Quantico. En 5e, Grey's Anatomy. En 4e, Survivor Cambodia. En 3e, NCIS. En 2e, le baseball de la MLB LCS Playoffs. Et en première, c'est ALCS Rain Delay. J'imagine une partie qui avait été remise pour cause de pluie. Avec 3 968 000. Au Québec, tantôt, le numéro 1 avait 2 053 000. Voilà pour Television Television. Tantôt, on remerciera la science d'exister dans Merci Science, mais avant ça, on s'en va entendre une pièce de l'artiste Hide Your Tigers. OK. Du chiptune, hein? Faut porter un nom original. Voici Decaying Tigers, MPS. Le Mathieu Plante Show, c'est fou. des King Tigers. Spooky by Hide Your Tigers. Oh, Mathieu Plante Show. Moi aussi, je trouve ça bizarre. T'sais. Vous êtes pas tout seul là-dedans. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Hein. On commence avec un petit peu de trucs d'enfants. La dyslexie d'enfants corrigée par des séances de musique en rythme. En fait, non. Je me rappelle d'avoir fait un bloc thématique pour le début de la chronique. C'est pas sur les enfants, c'est sur la musique. Donc, la dyslexie d'enfants corrigée par des séances de musique en rythme. Les enfants dyslexiques qui ont suivi 2 séances de musique rythmée par semaine pendant 6 mois ont progressé en lecture. Ce travail sur le rythme en complément de l'orthophonie a même permis à certains de sortir du champ de la dyslexie. La musique pourrait aider votre enfant à venir au bout de sa dyslexie, c'est ce que montre une équipe INSERM qui a soumis des enfants à une cure d'apprentissage musical ou d'art plastique pendant 6 mois. Les résultats sont très en faveur de la musique, sous réserve qu'elle implique du rythme. Le solfège seul ne suffit pas. Tout est parti de travaux antérieurs montrant que le traitement de la musique et du langage impliquant le discernement des sons s'effectue dans les mêmes zones du cerveau, en particulier les aires temporales et l'aire dite de Broca. Et de fait, des études menées chez les grands musiciens qui s'exercent pendant des heures montrent que leurs capacités de langage sont exacerbées. Ils discriminent beaucoup mieux les sons et apprennent plus facilement une langue étrangère que la moyenne. Le rythme semble réguler l'activité oscillatoire cérébrale qui est nécessaire au traitement du langage et à la reconnaissance des sons. Or, la dyslexie, qui se manifeste par des difficultés de lecture, serait due à un problème d'encodage des sons. Les enfants auraient par exemple du mal à différencier un BA d'un PA et seraient donc incapables de restituer 2 sons différents à la lecture, laissant croire à une incapacité à reconnaître les lettres. Et là encore, de précédents travaux ont montré que les enfants qui ont des difficultés en lecture présentent également des problèmes de coordination sur le rythme, que ce soit en chant, en danse ou tout simplement en tapant des mains sur une mélodie. Pas sur le voisin, comme on dit, hein? Suite à cette revue de littérature et à ce faisceau d'éléments convergents, les chercheurs ont testé le bénéfice d'une cure de musique chez les enfants dyslexiques de 8 à 11 ans pour vérifier que les progrès éventuels ne seraient pas liés à l'investissement personnel dans une activité ou encore au fait de vieillir de quelques mois. Ils ont également demandé à un autre groupe d'enfants présentant le même profil de suivre des séances d'art plastique. Ces traitements étaient dispensés lors de séances collectives 2 fois par semaine et pendant 6 mois. Parallèlement, tous les participants ont également effectué des exercices d'orthophonie. Pour les séances de musique, les professeurs avaient été formés à une pédagogie particulière axée sur le rythme, pour que tous les enfants bénéficient de la même formation. Néanmoins, en situation réelle, tout programme incluant du rythme, que ce soit via le chant ou encore la danse, est intéressant. Au terme des séances, les auteurs ont demandé à tous les enfants de lire un texte et ont constaté que 60% des enfants du groupe musique s'étaient améliorés en lecture au point de sortir des critères diagnostiques de dyslexie contre seulement 28% de ceux du groupe art plastique. Les chercheurs ont en outre soumis aux enfants un autre texte contenant des mots inventés de façon à tester leur capacité de déchiffrage. 75% des enfants du groupe musique ont performé contre 36% dans le groupe art plastique. Ces résultats sont tout simplement impressionnants, nous disent-ils. Donc, il y aurait véritablement un transfert de compétences au sein du cerveau, du rythme, vers l'habileté à discerner les sons et donc à lire correctement, explique le chercheur. Et on peut imaginer que pour les enfants plus lents à progresser, le bénéfice de la musique devrait se poursuivre avec le temps. Ce traitement est assez facilement applicable. On dit que les séances ne demandent pas d'expertise particulière de la part des professeurs. Et il existe des musicothérapeutes ou professeurs de musique qui ont l'habitude de ces pratiques. Il faut juste du rythme. L'enfant doit s'amuser et avoir envie d'y aller. Et le coût peut être assez modéré, mais ces séances doivent venir en complément de l'orthophonie qui n'a jamais été abandonnée pendant notre étude et qui reste un pivot de la prise en charge, dit-il. Une étude qui est parue dans la revue Plus One. On reste... Bon, je me reprends. Tantôt, j'avais dit que j'étais pas sûr si c'était un bloc thématique sur les enfants ou sur la musique. Ben, Colin, c'est les deux. It's both! Des chercheuses canadiennes ont montré qu'une chanson est plus efficace que la voix seule pour calmer les pleurs d'un bébé. Voici qui devrait donc inciter les jeunes parents à plus souvent utiliser leur talent de chanteur. Le travail paru dans Frontiers in Psychology des professeurs Marie-Ève Corbeil, Sandar E. Trihob et Isabelle Perrette de l'Université de Montréal a porté sur 30 nourrissons en bonne santé, âgés entre 6 et 9 mois. Les chercheuses ont fait entendre aux enfants des enregistrements de paroles en langage de bébé et en langage d'adulte. Et de musique en turc, pour que les sons ne leur soient pas familiers. Leurs parents se trouvaient dans la salle. Ils étaient assis derrière le bébé. Leurs expressions faciales ne pouvaient donc pas influencer celles de l'enfant. Est-ce qu'on se comprend? Ils étaient de dos. Bon, on pouvait pas les voir. Good. Résultat. Les petits demeuraient calmes 2 fois plus longtemps grâce aux chansons qu'ils ne connaissaient même pas que lorsqu'ils entendaient quelqu'un leur parler. Donc, lorsqu'ils entendaient une chanson turque, les bébés restaient calmes pendant environ 9 minutes en moyenne, contre un peu plus de 4 minutes lorsque quelqu'un parlait, qu'il s'agisse ou non de langage de bébé. L'efficacité des rondes enfantines n'est donc plus à prouver. Elles apaiseront bébé pendant une période prolongée, même dans l'environnement relativement stérile de la salle d'expérience, comme mur noir, lumière tamisée, absence de jouets et de toute stimulation visuelle ou tactile. La voix d'une femme qui chante maintenait le bien-être des bébés plus longtemps que la parole. Ces conclusions sont importantes car les mères, en Occident en particulier, parlent beaucoup plus qu'elles ne chantent à leurs enfants. Elles ne mettent donc pas à profit les propriétés de régulation des émotions liées au chant. Or, ce dernier pourrait être particulièrement utile aux parents exposés à des difficultés socio-économiques ou émotionnelles. Ceux-ci ont parfois du mal à garder leur sang-froid devant un nourrisson inconsolable, raison pour laquelle la musique pourrait constituer pour eux une solution gratuite, facile à mettre en œuvre et donc efficace. N'est-ce pas là une nouvelle intéressante? Je trouve que oui. Et là, on passe vraiment à une nouvelle avec les bébés qui n'ont pas rapport avec la musique. Hein? Un test de paternité aux États-Unis a révélé qu'un enfant né par fécondation in vitro n'était pas le fils biologique de son père supposé, pourtant le seul à avoir donné ses spermatozoïdes. Hein? Est-ce que ça se peut? Ben oui, c'est que cet homme est une chimère. Hein? Ça n'a pas rapport avec la mère, hein? Pas un chipère non plus. Donc au sein embryonnaire, il aurait fusionné avec un jumeau et produirait des spermatozoïdes de son jumeau fantôme. C'est un cas exceptionnel qui a été présenté lors de l'International Symposium on Human Identification à Grapevine aux États-Unis en octobre dernier. Suite à des tests génétiques, un homme a découvert qu'il n'est pas le père biologique de son fils et que le vrai père est en fait un frère jumeau fantôme. Cet homme de Washington a suivi avec sa compagne un parcours de procréation médicalement assistée qui leur a permis d'avoir un fils, mais l'enfant avait un groupe sanguin particulier, le AB. Or, les deux parents étaient le groupe A. Ils ont donc fait des tests de paternité qui ont montré que l'homme n'était pas le père biologique de l'enfant et qu'il partageait seulement 10% de l'ADN avec son enfant. Les parents se sont donc demandé si la clinique avait pu se tromper de bébé et utiliser le sperme d'une autre personne. On dirait un téléroman, t'sais. Ils ont pris un avocat, la personne, qui a contacté Barry Starr, un généticien de l'université de Stanford. Celui-ci a suggéré que le couple fasse une analyse d'ADN pour l'affaire, pas le bar. Ça, c'est BDN, je pense. Plus poussé en passant par l'entreprise de 23andMe, dont les analyses se basent sur beaucoup plus de marqueurs génétiques que les tests de paternité classiques. Quand les résultats sont arrivés, Barry Starr les a interprétés et en a conclu que l'homme était l'oncle génétique de l'enfant. Donc, il dit sur Time.com, si c'était une relation parent-enfant, vous verriez 50% d'ADN lié. Si c'est une relation donc la nièce ou neveu, c'est lié à 25%. Cet homme et son fils étaient liés à 25%. L'explication donnée à ce cas rare est que l'homme avait absorbé les cellules de son jumeau hétérozygote dans l'utérus et serait une chimère de lui et de son frère, un mélange. D'après Barry Starr, la peau de cet homme avait aussi un profil particulier, correspondant à un chimérisme. L'analyse de l'ADN de ses spermatozoïdes a montré qu'il s'agissait à 90% de son ADN et à 10% de celui d'un jumeau. Ce cancer génétique correspond donc à un cas particulier de syndrome du jumeau disparu, un phénomène relativement fréquent qui a lieu lorsqu'un jumeau disparaît in utero. Dans ce syndrome, l'embryon pourrait être absorbé soit par l'autre embryon, soit par la mère, soit par le placenta. Une revue de littérature de 1998 sur le phénomène du jumeau disparu estime qu'environ une grossesse sur 8 commencerait avec des jumeaux. Pour une naissance de jumeaux vivants, 10 à 12 grossesses gémellaires ne donneraient au final qu'un seul bébé. Dans ce cas précis, l'incorporation des cellules du jumeau aurait eu lieu très tôt dans le développement embryonnaire. Ce qui rend le cas exceptionnel est que des cellules provenant du jumeau se retrouvent dans la lignée germinale. D'autres cas de personnes chimères ont été recensés. Des mères peuvent aussi retenir des cellules de leurs enfants après leur naissance. Par exemple, des femmes qui donnent naissance à des garçons conservent des cellules avec des chromosomes Y dans leur organisme. Incroyable. On reste dans le genre de domaine de nouvelles de fous un peu. Dans une expérience où des individus se sont serrés la main avant de tenir un couteau, des scientifiques ont retrouvé sur l'arme l'ADN de la personne qui ne l'avait pas touché. Le risque d'inculper un innocent à tort en utilisant l'ADN comme seule preuve a peut-être été sous-estimé jusqu'ici. Un innocent peut-il être condamné pour un crime qu'il n'a pas commis? Aujourd'hui, les enquêteurs disposent de différents outils scientifiques pour confondre un suspect et les enquêtes criminelles passent souvent par l'étude de l'ADN détecté sur les lieux. Au départ, l'analyse d'ADN nécessitait d'avoir des échantillons de sang ou d'autres fluides corporels. Cependant, grâce aux avancées des biotechnologies, il est désormais possible d'obtenir un profil génétique avec beaucoup moins de matériel et seulement quelques cellules laissées sur place. Avec une telle sensibilité dans les analyses d'ADN, le risque d'erreur judiciaire semble accru. Cette possibilité d'incriminer un innocent a pourtant souvent été considérée comme théorique et minimisée. L'ADN retrouvé sur une scène de crime ayant une forte probabilité mathématique de provenir d'une personne vraiment présente sur les lieux. L'ADN donne donc parfois l'impression d'apporter des preuves solides, ce que remet en cause une nouvelle étude de l'Université d'Indianapolis parue dans Journal of Forensic Sciences. Ici, les chercheurs ont voulu savoir si le transfert d'ADN par simple toucher entre deux personnes pouvait faire inculper un innocent. J'espère qu'ils n'ont pas fait le test pour voir pour vrai puis l'envoyer en prison. Ils ont voulu faire ce test car dans leur laboratoire, il arrivait souvent que les échantillons soient contaminés par des profils d'ADN de personnes qui n'étaient jamais venues au laboratoire, comme les enfants des employés. Les chercheurs ont donc demandé à des volontaires par groupe de deux de se serrer la main pendant 2 minutes puis de tenir un couteau. Les couteaux ont ensuite été analysés et l'ADN recherché. Les résultats sont sidérants. Dans 85% des cas, l'ADN de la personne qui n'avait pas touché le couteau avait été transféré en quantité suffisante pour permettre d'obtenir un profil ADN. Et dans certains cas, la personne innocente était la seule à avoir laissé son ADN ou bien il pouvait y avoir un mélange d'ADN dans lequel le principal ADN était celui de la personne innocente. Pour Cynthia Kell, principal auteur de l'article, les experts qui enquêtent sur un crime doivent être conscients que l'ADN d'un innocent peut être détecté sur une scène de crime. Ils devraient en informer les juges et les jurys lors des procédures judiciaires. On explique, je cite, la plupart des articles que j'ai lus sur le transfert d'ADN secondaire disent qu'il n'y a pas vraiment d'impact sur le résultat final. Or, les résultats obtenus ici prouvent le contraire, puisqu'il est possible que le seul ADN retrouvé sur une arme appartienne à quelqu'un qui ne l'a pas touché et que l'ADN de celui qui l'a manipulé, le couteau, ne soit pas détecté. Ce risque n'est donc pas seulement théorique. Ainsi, en 2013, en Californie, un homme a été arrêté et détenu plusieurs mois pour meurtre, car son ADN avait été retrouvé sur la victime d'un homicide. Mais les charges qui pesaient contre lui ont été abandonnées. Des experts ont conclu que son ADN avait pu être transféré à la victime par des ambulanciers lors du transport indépendant aux urgences. La présence de cellules sur une scène de crime ne prouve donc pas que leur propriétaire est venu sur les lieux. L'ADN peut très bien avoir été apporté par d'autres moyens. Ça fait, peur pas mal, cette histoire-là. Parlant de peau qui pourrait laisser des traces, perte de peau, etc. Donc dans ce cas-ci, une peau artificielle qui peut sentir et entendre. Inspirée de la structure des crêtes papillaires de nos doigts qui fournissent les empreintes digitales, la peau artificielle ferroélectrique créée par une équipe de chercheurs sud-coréens est capable de détecter une pression statique ou dynamique, des vibrations ainsi que la température. Elle peut même détecter des sons avec plus de précision que le microphone d'un téléphone intelligent. La peau humaine est extraordinaire de complexité. Grâce à elle, nous percevons simultanément une grande variété de stimuli mécaniques et thermiques. Les spécialistes qui travaillent au développement de peaux artificielles cherchent le moyen de reproduire la microstructure ainsi que les récepteurs qui pourraient permettre de détecter autant d'informations tactiles à travers un contact dynamique ou statique. Récemment, l'Université de Stanford aux États-Unis a fait état de progrès significatifs dans le développement d'un capteur inspiré des mécanorécepteurs cutanés. Celui-ci est capable de détecter le degré de pression exercée et de transmettre cette information à des cellules cérébrales. C'est comme un Apple 3D Touch, mais dans la vraie vie. Jusqu'à présent, les peaux artificielles les plus abouties pouvaient au mieux détecter la température ou sentir la pression d'un contact statique. Mais une équipe de chercheurs de Lawson National Institute of Science and Technology en Corée du Sud a réalisé une avancée prometteuse avec une peau tactile, une peau factice dont la surface imite les sillons et les creux des empreintes digitales. Ce nouveau matériau souple peut détecter simultanément une pression statique ou dynamique, la température, et même le son. Des essais effectués en laboratoire ont permis de mesurer à la fois la pression et la température de vaisseaux artériels, de détecter avec précision les ondes acoustiques et de distinguer différentes textures. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs se sont inspirés des structures imbriquées du derme et de l'épiderme. Je cite les propriétés piézoélectriques et pyroélectriques de la peau humaine qui détectent un toucher dynamique et la température sont réalisées dans la peau artificielle en utilisant des réponses piézoélectriques et pyroélectriques de polymères ferroélectriques composites à base de polyfluorure de vinylidène, oui, du PVDF, et d'oxyde graphène réduit qu'on appelle du RGO. C'est publié cet article-là dans Science Advances. Cette peau artificielle élastomère imite donc le profil des sillons et des crêtes papillaires de nos doigts, ainsi que les structures qui font circuler les informations entre le derme, l'épiderme et les mécanorécepteurs cutanés. La surface et les couches piézoélectriques et ferroélectriques permettent au dispositif de capter la texture, la pression statique et dynamique, ainsi que la température. Le cœur du dispositif est ce que les scientifiques appellent un réseau de microdômes imbriqués qui va amplifier le signal. Rendons-nous un petit peu plus loin. La sensibilité de cette peau artificielle est si fine qu'elle peut même capter des sons. Les ondes acoustiques provoquent des vibrations que les microdômes parviennent à convertir en signal électrique. Pour tester la réaction, l'équipe a diffusé un enregistrement d'une voix épelant le mot « peau ». Les ondes sonores récoltées par la peau artificielle ont été comparées à celles de la source, ainsi qu'à celles enregistrées par un smartphone. Et d'après les chercheurs, leur peau s'est montrée plus précise que le microphone du mobile. Tout ceci ouvre des perspectives intéressantes pour le développement de prothèses de membres capables d'offrir un sens du toucher plus réaliste. mais il faudra avant cela trouver le moyen de transmettre au cerveau toutes ces informations et leurs nuances, et c'est là le défi le plus compliqué à relever. L'option génétique offre une piste prometteuse, mais elle ne peut pas pour le moment être appliquée aux cellules humaines. En attendant, la technologie mise en œuvre dans cette peau artificielle pourrait être aussi bénéficier à la robotique ainsi qu'au développement de capteurs biométriques directement intégrés dans des vêtements ou des accessoires connectés. Maintenant, l'ébullition de l'eau. La formation des bulles sera désormais contrôlable. L'ébullition de l'eau est le phénomène central de bien des procédés industriels, notamment de la production d'électricité, mais la formation anarchique de bulles est une contrainte dont il faut tenir compte. Aujourd'hui, des chercheurs américains proposent de contrôler la formation de ces bulles tout simplement en actionnant un interrupteur. Farbouilleur de l'eau, c'est assez simple. C'est aussi extraordinairement utile dans de nombreux secteurs de l'industrie. Ça permet en effet de déplacer de la chaleur avec une efficacité certaine. Pourtant, une partie du procédé a toujours échappé au contrôle des ingénieurs. Il repose en effet sur un phénomène, la formation de bulles dans l'eau en ébullition, non maîtrisée jusqu'à la découverte récente d'une équipe de chercheurs américains du Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Ces derniers ont mis au point un moyen de contrôler la formation de bulles aussi facilement qu'on éteint la lumière en appuyant sur un piton. Pour mesurer la portée potentielle de cette innovation, prenons un exemple dans l'ère du temps, celui de la production d'énergie. Les centrales nucléaires, les centrales au charbon ou les centrales au gaz ont pour point commun qu'elles sont toutes des centrales thermiques. Elles produisent une chaleur qui est utilisée pour transformer de l'eau en vapeur, vapeur qui est elle-même ensuite transformée en électricité. L'eau sert donc de fluide caloporteur qui transporte de l'énergie sous forme de chaleur jusqu'à des turbines qui, une fois mises en rotation par le flux de vapeur, produiront de l'énergie électrique à la manière d'une dynamo. L'idée donc des chercheurs n'est pas nouvelle. Des systèmes permettant de contrôler l'ébullition de l'eau à l'aide de champs électriques ont déjà été exploités, mais la solution proposée nécessitait l'emploi de fluides alternatifs à l'eau et le recours à des tensions trop élevées pour en faire des systèmes économiquement viables. C'est donc grâce à une innovation de forme que les chercheurs américains ont obtenu les résultats escomptés. Ils ont enrichi l'eau de tensioactifs porteurs de charges électriques. Ces derniers peuvent donc être attirés et repoussés par une surface métallique à laquelle on appliquerait une tension appropriée, de quoi rendre la surface en question tour à tour hydrophile et ensuite hydrophobe. La mouillabilité des surfaces revêt ici une importance capitale, car comme c'est le cas des gouttes de pluie ou pour les bulles de champagne dans l'eau bouillante, comme c'est le cas dans des gouttes de pluie ou pour les bulles de champagne, dans l'eau bouillante, les bulles ont besoin d'un support pour se former. Et ce support est offert par les irrégularités de la surface métallique. Alors, des scientifiques ont tenté de créer des nanostructures de surface très fines afin de diminuer le phénomène. Une méthode bien plus compliquée à mettre en œuvre que celle imaginée par les équipes du MIT. En appliquant une tension électrique à la surface métallique, ces derniers l'ont tout simplement rendu plus hydrophobe, lui permettant d'absorber les molécules de tensioactifs. Ils ont ainsi augmenté de manière contrôlée le taux de nucléation, c'est-à-dire le taux de création de bulles. Mais en appliquant ensuite une tension inverse à cette même surface et en exploitant ces minuscules défauts, ils l'ont rendu hydrophile, ils ont pu inhiber la formation de bulles, et selon leurs résultats, le taux de nucléation pourrait ainsi tout simplement et avec une grande précision être divisé par 10. Wow! On nous dit que le seul souci, c'est que le conservatisme des opérateurs de centrales électriques, les chercheurs américains devront passer par un démonstrateur afin de prouver l'efficacité de leur système à l'échelle industrielle, mais ils se montrent optimistes. Allons-y avec le fait que ça va être possible un jour de détecter le diabète avec un téléphone intelligent. Détecter via un échantillon de salive et un téléphone intelligent si l'on atteint le diabète de type 2 sera bientôt possible grâce aux travaux de chercheurs mexicains et américains. À quelques jours de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre, la mise au point de cet appareil en phase de développement pourrait améliorer la prévention, notamment chez les populations les plus défavorisées. Seul un smartphone et un échantillon de salive sont nécessaires pour connaître les résultats. Le diabète de type 2, caractérisé par un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation, touchait 9% d'adultes dans le monde en 2014 et était responsable en 2012 de 1,5 million de décès selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 80% de ces décès se sont produits dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ce nouvel appareil, développé par une équipe américano-mexicaine pluridisciplinaire, a essentiellement été conçu pour améliorer la prévention auprès des personnes les plus défavorisées et qui n'ont toujours pas accès aux soins. Des chercheurs de la Tech de Monterrey au Mexique, en partenariat avec une équipe scientifique de l'Université de Houston aux États-Unis, viennent de mettre au point un outil capable de détecter dans la salive ou autres marqueurs biologiques la présence d'un diabète de type 2, selon l'annonce faite dans un communiqué de presse paru le 31 octobre dernier dans la revue scientifique Investigación y Desarrollo. Hein? Je t'ai rendu avec ça, moi. Plus besoin d'aiguilles, comme sur les traditionnels appareils. Cette micro-cartouche intégrée dans un smartphone rapporte en quelques secondes si son utilisateur a un diabète de type 2 ou non. Le résultat est positif si le composé présent dans la salive réagit en devenant fluorescent. Le tout est rendu possible grâce à une réaction enzymatique et à un processus technologique appliqué à la biologie. Cet appareil qui s'avère aussi simple qu'un test de grossesse est avant tout destiné aux populations les plus défavorisées et devrait être achevé dans 2 ans. L'équipe qui conclut sa phase de développement espère prochainement se tourner vers une phase de production de masse si l'objet avant tout destiné à simplifier la vie des patients intéresse les industriels. Diagnostiqué plusieurs années après son apparition, le diabète de type 2 peut endommager le cœur, les reins, les vaisseaux sanguins, les yeux et les nerfs. Et finalement, est-ce qu'on parle de ça? On va y aller avec ça, comme j'ai commencé ma phrase. Le transport en commun est meilleur pour la santé que la marche ou le vélo, selon une étude. Prendre les transports en commun pour aller travailler est non seulement bon pour l'environnement, mais semble aussi meilleur que la marche ou que le vélo pour réduire le risque cardiovasculaire, le surpoids et le diabète, selon une étude japonaise publiée aux États-Unis. Cette étude, présentée à la conférence annuelle de l'American Heart Association, réunie à Orlando, en Floride, a comparé des personnes prenant quotidiennement le bus, le train ou les deux pour se rendre au bureau à celles utilisant leur voiture, ainsi qu'à celles qui marchent ou utilisent un vélo. Ces chercheurs ont également pris en compte d'autres facteurs, dont l'âge, le sexe ou encore le fait de fumer. Ils ont conclu que les sujets recourant au transport en commun réduisaient leur risque de souffrir d'hypertension et de diabète de 27 à 34% respectivement, comparativement aux autres groupes. Fait surprenant, c'est que prendre le bus ou le train serait donc meilleur pour l'hypertension et le diabète que de faire le trajet à pied ou à vélo, comme je le fais quotidiennement. À pied, dans mon cas. Selon les auteurs, ça pourrait s'expliquer par le fait que les banlieusards marchent le plus souvent davantage pour prendre le bus ou le train que ceux qui vont travailler à pied ou à vélo. Bah là, ça les fait tout, ça! S'il faut plus de 20 minutes pour se rendre au travail en marchant ou avec une bicyclette, de nombreuses personnes prennent les transports en commun ou leur voiture au Japon. Le public devrait envisager de prendre les transports en commun au lieu de la voiture dans le cadre d'un exercice physique régulier. Selon elle, il pourrait être utile pour les médecins de demander à leurs patients comment ils vont travailler. On dit que plus de 5 900 personnes adultes âgées entre 49 et 54 ans en moyenne ont participé à cette étude en 2012 à Osaka. Ils ont répondu à un questionnaire sur leurs activités physiques et comment ils se rendaient à leur travail. La plupart de ceux qui utilisaient leur voiture pour aller au bureau étaient des hommes, tandis que davantage de femmes empruntaient les transports en commun, marchaient ou utilisaient un vélo. Toutefois, on note que le fait que les participants de cette étude étaient tous japonais en limite la portée dans la mesure où cette population souffre moins souvent de surpoids que les Américains, en effet. Voilà pour Merci Science! On est rendu à une autre pièce de Cheap 2, on s'en va entendre cette fois-ci. Ah tiens, pour ceux qui se rappellent, il y a peut-être, je dirais, un an et demi dans ces coins-là, le phénomène Too Many Cooks, une fausse sitcom qui circulait sur la chaîne Adult Swim aux États-Unis. C'est devenu une vidéo super virale sur Internet. C'est une vidéo de, je sais pas combien de temps ça dure, 11 minutes environ. Ça a l'air d'être l'intro d'une sitcom. À chaque fois que l'intro de la sitcom se termine, une autre intro de sitcom commence et ça varie. Il y a plein de variantes et de personnages qui changent. Et il y a une intrigue dedans, ça dure 11 minutes. Et puis, c'est ça, il y a un meurtrier là-dedans qui essaie d'attraper quelqu'un qui s'enfuit dans un garde-robe. Les mots à l'écran bougent. Puis il y a vraiment, c'est comme un téléroman dans une intro de sitcom, dans une intro d'émission de police, dans une émission de science-fiction. C'est un paquet de choses à la fois. Je crois, depuis que je connais Internet, probablement ma vidéo préférée. Ça s'appelle Too Many Cooks et c'est absolument fantastique à mon humble avis. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que Colin, on est rendu avec un remix chiptune de ça. Hein? Voici Rush Coil, Too Many Cooks, MPS, le Mathieu Planche Show. êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. A stew, a pinch of salt and laughter too, a scoop of kids to add the spice, a dash of love to make it nice, and you've got too many cooks. It takes a lot to make a stew. When it comes to soup, everyone adds an extra scoop, mix an ounce of smile so sweet, a dash of cool to add the heat, and you've got pressure cooker turned up to high. Too many cooks. C'est là que ça devient fucké. Là. C'est là, là que ça devient vraiment fucké. Genre que le reste à la radio a plus ou moins de sens. Donc c'était Too Many Cooks, la pièce derrière l'émission de 11 minutes où il se passe beaucoup trop d'affaires en même temps. Il y a une autre variante là-dedans, vous avez remarqué, ça passe d'une sitcom à l'émission policière, à l'émission de science-fiction, ça n'a aucun sens, ça ne sient absolument pas, mais c'est tellement fantastique et je me suis trouvé bien drôle en la faisant jouer et en me demandant si ça allait déranger tout le monde. Donc voilà, vous êtes toujours au Mathieu Plante Show. Moi, j'aurais envie de continuer de l'écouter pour encore le reste du temps, mais on doit passer à une autre chronique. Alors, je vous invite, tous ensemble, à continuer d'écouter pour un petit bout. Je me trouve tellement drôle. Mon préféré, ça. Et ceux qui n'ont pas saisi le titre, c'est Too Many Cooks. Je sais pas si c'était clair. Des fois, je sais que la subtilité, ça dépasse certaines personnes. Donc maintenant, comme je disais, ben, c'est le moment de passer à Cynix. Il me semble qu'on était rendu. Je pense qu'on était rendu à ça. Je pense. Ah ouais. Ah, ah ouais. Je pense qu'il y a un meurtre. Oh boy. Oh, ça finit mal. Est-ce que je vous ai eu? Vous pensiez vraiment qu'on était rendu à la prochaine chronique, hein? Ah, mais non! Moi! C'était pas vrai! Ah, merci. Et comme je disais, c'est le moment de passer à Cynix. On commence avec de la science décalée un petit peu. Les humains qui ont de vrais sentiments pour les robots. Dans une expérience où des volontaires ont visionné des images des personnes ou de robots qui se font mal aux doigts, les candidats ont éprouvé de l'empathie pour les deux. En parallèle, des experts s'inquiètent des relations sentimentales qui naîtraient entre humains et humanoïdes. Peut-on tomber amoureux d'un robot? Ce scénario a déjà été envisagé dans le film Ex Machina, ou Ex Machina, je crois qu'il faut dire, où un programmeur tombe amoureux d'une femme androïde, mais ceci pourrait ne pas être si loin de la réalité. Dans une expérience parue dans Nature, des chercheurs japonais ont montré par électroencéphalogramme que des humains éprouvent véritablement de l'empathie pour des robots. L'empathie joue un rôle important dans la communication sociale car elle permet de comprendre les émotions des autres. C'est pas tout le monde qui a ça. Précédemment, des études sur des électroencéphalogrammes ont révélé les caractéristiques de ce processus au niveau des ondes cérébrales. Par exemple, si l'individu observe des photographies exprimant la douleur, ça induit une amplitude des ondes P3 plus large. Hein? Des ondes P3 plus large. Oui, P3 correspond à une onde qui survient 300 millisecondes après le stimulus et qui représente une modification de l'activation des réseaux neuronaux. Dans cette expérience menée par l'Université de technologie de Toyohashi et l'Université de Kyoto, les chercheurs ont mesuré par électroencéphalographie l'empathie de 15 volontaires qui ont regardé des images montrant soit des humains, soit des robots dans des situations douloureuses où ils se coupaient le doigt. Les chercheurs ont alors observé que la phase descendante de l'onde P3 était plus importante avec le stimulus douloureux que sans, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un robot. Les sujets éprouvaient de l'empathie pour les robots comme pour les humains. En revanche, la phase ascendante de P3 était augmentée avec le stimulus douloureux uniquement pour les images montrant une douleur humaine. Les scientifiques ont donc désormais des preuves neurophysiologiques de la capacité des humains à éprouver de l'empathie pour les robots. D'ailleurs, un des auteurs de la recherche croit en une société avec des humains et des robots ayant des comportements prosociaux. Cependant, d'autres experts s'inquiètent des sentiments que les humains pourraient développer à l'égard de robots. Et si des robots humanoïdes pouvaient susciter de la passion? Ben cette question, les concepteurs de Pepper, le robot de compagnie humanoïde, ont dû se la poser. Et la firme SoftBank, qui le commercialise, a inscrit dans la charte d'utilisation du robot qu'il ne fallait pas entreprendre de relations sexuelles avec lui. Les véhicules Volvo seront désormais mieux interconnectés avec un système de réception automatique d'informations en temps réel sur le trafic. Volvo s'escrime depuis plusieurs mois à proposer des voitures plus connectées et autonomes, et c'est pourquoi le constructeur devrait profiter du salon de l'automobile de Los Angeles pour annoncer le lancement de sa première génération de fonctionnalités semi-autonomes. Malgré son nom, le programme Time Machine, comme une machine à voyager dans le temps, ne permettra pas d'explorer son passé ni son avenir comme dans Retour vers le futur, mais il a le potentiel de faire économiser beaucoup de temps aux conducteurs. Mais avant de présenter officiellement sa Time Machine, le 18 novembre à Los Angeles, le constructeur suédois a annoncé le 3 novembre un partenariat avec l'équipementier Inrix qui devrait rimer avec cette innovation. Inrix fournit des informations de circulation en temps réel qui prennent en compte les accidents et peuvent constamment réajuster l'heure d'arrivée estimée et prévoir l'évolution des difficultés routières et autres embouteillages. Ces données proviennent de capteurs et le système d'avertissement des voitures connectées circulant sur les mêmes routes et couvrent ainsi tous les types de voies de 42 pays du monde. Volvo a précisé qu'il allait intégrer ces données dans son propre système embarqué. Donc ça s'en vient dans le futur. Aux États-Unis, Local Motors espère... On reste dans le véhicule. C'est un bloc thématique. J'oublie tout le temps de le mentionner. Pourtant, je fais tellement attention de mettre les nouvelles ensemble la plupart du temps. Pas tout le temps. Ça m'arrive. Donc, aux États-Unis, Local Motors espère devenir le premier constructeur à lancer une voiture de série électrique dont le châssis... Quatrième fois. Dont le châssis et la carrosserie sont fabriqués par impression 3D. Attendue en 2016, la LM3D proposera différents designs et des options de personnalisation, mais il faudra casser sa tirelire. Ça va être cher. L'an dernier, Local Motors dévoilait la Strati, première voiture imprimée en 3D. On avait parlé ici. Après ce premier essai plutôt convaincant, la jeune pousse nord-américaine a décidé de se lancer dans un projet beaucoup plus ambitieux, celui de commercialiser la première voiture de série électrique imprimée en 3D. La LM3D est un coupé 4 places dont un premier prototype a été conçu et fabriqué en 2 mois seulement. Le lancement commercial est prévu pour 2016. Dans un premier temps, 75% de la voiture sera fabriquée par l'impression 3D, principalement le châssis et les éléments de carrosserie. À terme, l'objectif est de parvenir à produire 90% du véhicule par cette technique. La composition du mélange est de 80% d'ABS, donc acrylonitrile butadiène styrène, et de 20% de fibre de carbone. Les autres organes de la LM3D, notamment les trains roulants, la direction et le groupe propulseur, seront fournis par les équipementiers. Local Motors ne livre aucune information au sujet de la propulsion électrique et de l'autonomie qu'offrira la voiture. À titre indicatif, la Strati équipée du moteur électrique de la Renault Twizy disposait d'une autonomie de 240 km et d'une vitesse de pointe de 65 km/h. Sur son site internet, le constructeur assure que la LM3D sera en mesure de passer tous les crash tests d'ici fin 2016 et d'obtenir toutes les homologations nécessaires pour pouvoir circuler sur la route. C'est quand même une grande épreuve là, d'avoir toutes les homologations. Il y a tellement de tests qui sont passés là-dessus. Le reste de l'article, il en reste à peu près la moitié sur assemblagerequis.com. Propriétaire de la société qui développe le casque de réalité virtuelle Oculus Rift, Facebook a de grandes ambitions pour cette technologie. Le réseau social veut en faire un téléporteur virtuel grâce auquel les utilisateurs pourront parcourir le monde ou interagir avec des personnes éloignées comme si elles étaient en face d'eux. Interrogé par The Business Insider en marge du Dublin Web Summit, le directeur technique de Facebook a annoncé vouloir créer un téléporteur d'ici 2025. Il envisage pour cela d'améliorer la technologie de l'Oculus Rift pour en faire un outil qui permette d'être où on veut, quand on veut, sans se préoccuper des frontières géographiques. Il évoque donc bien plus la réalité virtuelle qu'une forme d'ubiquité physique, mais ça permettrait d'interagir avec des personnes éloignées comme si elles étaient là, de visiter des lieux inaccessibles et de parcourir le globe en un battement de cils. Le fondateur de l'Oculus envisage même déjà des applications éducatives pour remplacer ou compléter les sorties scolaires. On annonce finalement plus une évolution sociale qu'une révolution technologique. Si la réalité virtuelle se démocratise, Facebook imagine déjà des jeux MMO, donc massivement multijoueurs et en ligne, en immersion totale, voire un environnement propre à chaque personne. construit grâce à des technologies de sculpture 3D comme Oculus Medium. Son plus grand défi reste donc de faire disparaître la frontière entre virtuel et réel, car si les environnements virtuels sont déjà bien développés à l'image de l'Expedition Pioneer Program de Google, il faut encore donner à l'utilisateur l'impression qu'il en fait partie. Si l'Oculus Rift devrait être commercialisé dès le premier trimestre de 2016, Facebook n'a pas encore dévoilé son prix de lancement. On reste dans les transports et cette fois-ci, c'est un robot qui veut devenir le Skype de la livraison. Imaginé par deux des fondateurs de la messagerie Skype, Starship est un petit conteneur sur roues qui se déplace en autonomie pour aller livrer des commandes dans un rayon de 5 km pour un coût nettement inférieur au service actuel. Des tests en conditions réelles auront lieu à partir de l'année prochaine au Royaume-Uni, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Oui, voilà. Donc Amazon, Walmart, Alibaba et même La Poste française voient l'avenir dans les drones livreurs. Google compte faire décoller son Project Wing dès 2017, tandis que la DARPA veut un drone livreur capable de s'autodétruire. Bref, à en croire l'effervescence médiatique autour de ce thème, le ciel devrait bientôt être constellé d'engins volants chargés d'acheminer des colis peu volumineux. On a pourtant un peu de mal à y croire tant les obstacles réglementaires, techniques et les questions de sécurité semblent nombreux, nous dit Futura Science. Cependant, ce concept de livraison automatique répond à une vraie problématique, celle dite du dernier kilomètre. Comment faire face au développement exponentiel du commerce électronique et avec celui des livraisons à domicile? Le modèle actuel du chauffeur-livreur qui part d'un entrepôt pour aller faire sa tournée porte-à-porte finira par atteindre ses limites, oui, sous l'effet combiné de la congestion du trafic routier, des difficultés de stationnement et de délais toujours plus courts à tenir. Et si l'on songe à l'empreinte carbone que génèrent des biens de consommation courante commandés à l'unité sur Internet et expédiés dans le monde entier, on se dit qu'il y a effectivement matière à améliorer les choses. Si l'option des drones livreurs n'est pas nécessairement la plus réjouissante, il y a peut-être une alternative beaucoup plus simple, nous dit-on. Pourquoi pas des petits camions livreurs automatisés? C'est le pari que va tenter Starship Technologies. C'est une longue intro pour un article, hein? Une jeune pousse européenne créée par Ati Ainla et Janice Fries, deux des fondateurs du service de messagerie Skype, désormais propriété de Microsoft. Ils ont mis au point un petit conteneur monté sur 6 roues qui peut se déplacer de manière totalement autonome dans un rayon de 5 km de son point de départ. Il livrera une commande en 30 minutes maximum, le tout pour un tarif qui serait de 10 à 15 fois inférieur à ce que proposent les services de livraison à domicile. Encore une fois, il reste la balance de la moitié de l'article, mais on entre dans les détails de poids là, sur assemblagerequis.com. On revient aux voitures. Tesla qui réagit à l'inconscience de certains conducteurs en limitant son fameux pilote automatique dont tout le monde a parlé depuis les dernières semaines. Proposé depuis la mi-octobre sur le Model S, le pilotage automatique de la voiture de Tesla a quelques ratés. La marque vient d'annoncer son intention de rajouter certaines restrictions. Une mise à jour réalisée le 14 octobre, pour ceux qui s'en rappellent pas, à la Model S de Tesla apportait le pilotage automatique évolutif. Homologué dans le reste du monde quelques jours plus tard, la fonction est notamment proposée sur les voitures circulant donc en Europe depuis la fin du mois dernier. Europe et aux États-Unis, je crois bien. Parmi les fonctionnalités prévues par ce mode, on trouve les fonctions de maintien dans une file, de changement de file d'un simple déclenchement, file étant une voie, déclenchant du clignotant, ça c'est le flasher, et le créneau réalisé de manière automatique. Des possibilités qui complètent le régulateur de vitesse adaptatif et l'avertisseur de franchissement de ligne déjà présent auparavant. Pour autant, la mise à jour ne rend pas la voiture autonome. Et Tesla est très clair dans son fonctionnement. L'automobiliste doit garder les mains sur le volant, même lorsqu'il utilise l'autopilote. Une consigne qui a visiblement échappé à certains conducteurs qui ont posté leurs vidéos sur YouTube. Dans l'une d'elles, baptisée « Le pilote automatique de Tesla a essayé de me tuer », un automobiliste filme sa conduite sur une route sinueuse de campagne, comme un, imbécile, alors qu'il ne tient pas le volant. Il évite de justesse un véhicule arrivant en sens inverse. C'est pas la seule vidéo de ce genre-là, et Tesla a décidé de réagir rapidement, comme toute bonne compagnie devrait faire, pour minimiser les possibilités des gens qui font des choses insensées dans leur voiture, disent-ils. C'est monsieur, notre ami modèle et, je dirais, père fourreau de tous, Elon Musk, qui a fait l'annonce durant une entrevue téléphonique en disant, je cite, quelques contraintes supplémentaires seront rajoutées au logiciel. Sans donner plus d'explications, on peut notamment imaginer une restriction qui limiterait l'utilisation du pilotage automatique aux seules autoroutes pour éviter la prise de risque sur les routes de campagne, comme ce susmentionné imbécile. Maintenant, et comme je l'ai dit, quand je fais un bloc thématique, c'est un bloc thématique qui vaut la peine d'habitude, et là c'est un concept de jet, toujours dans les transports, un concept de jet qui pourrait vous amener de New York à Londres en 30 minutes. Se dirigeons vers une révolution du transport aérien. En croire le concept de jet ultra rapide dévoilé par un ingénieur québécois, ça pourrait être le cas. En effet, cet avion-là pourrait, en théorie, faire le trajet entre Londres et New York en 30 minutes seulement, se déplaçant à une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. 4L, extra sauce barbecue, deux réacteurs et un système de combustion d'oxygène liquide, voilà le secret de ce jet qui pourrait atteindre la barre des 12 000 km/h, éclipsant facilement la vitesse maximale du célèbre Concorde, qui était de 2 368 km/h. Donc, oubliez le film, oubliez les séries télé pendant le vol, oubliez vos tous vos passe-temps. Le jet s'appelle Screamer, avec une épellation très, très jeune dans le vent. S-K-R-E-E-M-R. A été imaginé par, je vais l'appeler Charles Bombardier. J'imagine que les Français doivent dire Charles Bombardier. Non, c'est pas vrai. Le petit-fils donc de Joseph Armand, le truc Bombardier. Dans le Globe and Mail, l'inventeur explique que son concept d'avion permettrait à 75 passagers de passer de l'Amérique à l'Europe en des temps records. Par contre, le jet ne sera pas disponible pour les vols commerciaux dans le futur proche. La technologie qui permettrait le fonctionnement de l'engin est actuellement testée par l'armée. Donc, un article de Huffington Post aux États-Unis. Fournir du Wi-Fi aux passants grâce aux sans-domicile fixe, les mendiants, les sans-abri. Et l'idée de l'association Wi-Fi for Life. C'est un drôle de projet d'une association tchèque qui s'appelle Wi-Fi for Life. Son but est de fournir aux sans-domicile fixe un repas, des vêtements et une rétribution de 5€ par jour à condition qu'ils acceptent de se transformer en borne Wi-Fi. La portée de cet équipement embarqué est de fournir une connexion 3G aux passants et aux touristes qui veulent aller sur Internet avec leur smartphone. Donc, aucune humiliation, nous dit l'article de Clubic.com. Le porteur du projet défend une autre vision dans une vidéo et explique que ce service a pour finalité d'aider à structurer la journée de personnes ayant perdu leur repère. Je cite, « S'ils prouvent qu'ils peuvent respecter leurs horaires, de se réveiller, rester sobre et travailler 8 heures par jour, le projet leur fournira la valeur d'une recommandation pour leur employeur potentiel. » Aux États-Unis, l'agence de communication BBH New York avait déjà eu cette drôle d'initiative en 2012. Si je me rappelle bien, on avait parlé de ça aussi. Pour amorcer ça, pardon. Wi-Fi for Life a tenté de lancer une campagne de financement participatif sur Indiegogo, mais ça n'a pas fonctionné. À peine 388€ de collecter en 2 mois contre 5 500 escomptés. En attendant que le produit ne sorte, il est déjà testé auprès d'un SDF à Prague. Sa mission est de rester 8 heures par jour près d'une station de métro du mercredi au dimanche et de porter un t-shirt qui s'appelle Free Wi-Fi for Charity. On va prendre une pause avant de continuer avec une autre partie de CNX. Pour l'instant, on écoute Pickboard Nerds. C'est un remake d'une pièce, en fait, d'une pièce, de la seule pièce du jeu Luigi's Mansion sur la GameCube. Il y a une chanson, elle joue tout le temps en boucle, un peu comme tantôt avec Too Many Cooks. Certains pouvaient peut-être trouver ça redondant. Moi, j'ai adoré ça, mais celle-ci joue dans le jeu vidéo tout le long. Et là, eux, ils ont fait un remix comme récompense après avoir amassé 30 000$ pour la prévention du cancer du sein. Donc, c'est vraiment cool. On l'écoute, Pegboard Nerds avec Luigi's Mansion au Mathieu Plante Show sur CIF. Ha ha ha! 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le musicien anglais Protostar, qui fait habituellement de l'EDM, de l'Electronic Dance Music. C'est pas super underground d'habitude, mais là, il fait un remix de Sonic the Hedgehog, Chemical Plant Zone. Génial. Vous pouvez télécharger ça gratuitement en devenant ami avec lui sur SoundCloud. Bref, allez voir les détails sur assemblagerequis.com. Et avant ça, on a entendu Pegboard Nerds et un remix de Luigi's Mansion. Ça aussi, c'est gratuit. Tout à fait gratuit. Pegboardnerds.com. Toujours Mathieu Plante Show et on était dans Scenix, donc retournons-y. Dot com. C'est toujours CNX, le segment geek où on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Pas nécessairement dans l'ordre, et pas nécessairement les trois. Donc, allons-y avec de l'intelligence artificielle. Google qui va répondre à vos courriels à votre place. Les écrans tactiles, c'est bien, mais pour écrire, il y a mieux, nous dit le Huffington Post. Alors que certaines startups tentent de mettre du relief dans ces écrans pour taper plus facilement, hein, Google a eu une autre idée, écrire nos courriels à notre place. Cette réponse intelligente a été dévoilée sur le blog de Google par le chercheur Greg Corrado. Pour rédiger nos messages, les ingénieurs de Google actuelles sont passées par l'intelligence artificielle. De quoi s'agit-il? C'est le deep learning, un système qui a le vent en poupe et permet à un algorithme d'apprendre comment réagir à des situations qui ne sont pas toujours les mêmes, mais se ressemblent. Donc, le programme apprend des choses à chaque fois qu'il s'essaye à une tâche particulière, et Google a notamment utilisé ce principe-là pour la reconnaissance faciale et vocale. Donc, pour cette nouvelle fonctionnalité concernant les courriels, Google s'est servi d'un réseau neural de mémoire à court et long terme. En gros, ça veut dire que l'algorithme utilisé est capable d'analyser chaque mot du courriel séparément, mais se souvient également du début du message quand il arrive à la fin. Un deuxième algorithme se charge de définir, en fonction des résultats du premier, les mots qui seront proposés en réponse automatique en bas. En bas de l'article, il y a des photos. Pour ceux qui veulent voir. Donc, selon Wired, chaque réponse contient de 3 à 6 mots. Et pour chaque courriel, 3 réponses différentes sont proposées. Au total, le système peut générer près de 20 000 réponses. Et selon le directeur des produits de chez Google, le tout s'adapte autant que possible à la teneur du message. L'algorithme est même capable de comprendre une blague et de répondre très drôle. Et si vous n'êtes pas satisfait, il peut toujours être modifié, ce message-là, un petit peu. Ou au total, les détails sur assemblagerequis.com. Facebook prépare un projet de téléportation virtuelle pour 2025. À défaut de voler comme Superman, beaucoup se contenteraient de simplement se téléporter comme le personnage de Diablo dans X-Men ou comme les héros de Star Trek. Je sais pas pourquoi Huffington Post doit toujours essayer de ramener ça à quelque chose de télé ou de cinéma pour rendre ça genre « c'est tellement cute, hein? » Donc, une perspective qui a apparemment inspiré les équipes de Facebook, puisque le réseau social a annoncé qu'il travaillait sur un projet de téléportation qui sera disponible dès 2025. Hein, calmez-vous, là, c'est pas la téléportation de Star Trek, mais c'est un projet de téléportation visuelle et de virtuelle, et j'en ai parlé tantôt. C'est mon erreur, je m'excuse. Mon erreur. Allons-y avec un bureau à air ouverte et un téléphone intelligent qui serait propice aux incivilités. Ça, c'est une nouvelle qu'on n'a pas fait. Le travail en air ouverte et l'utilisation excessive du téléphone intelligent favorisent les incivilités au sein de l'entreprise, selon un sondage publié par le cabinet de prévention Elias, spécialisé dans le suivi de la qualité de vie au travail. Selon ce sondage réalisé par Internet du 7 au 16 septembre par l'Institut Ginger, l'Institut Gingembre, un an et demi après la première étude commanditée par Elias sur le sujet, près d'un salarié sur deux, 42%, reste fortement exposé aux incivilités sur son lieu de travail, qu'il s'agisse de manque de courtoisie, d'irrespect de la personne ou plus rarement de violence verbale, voire même physique. Le sondage s'intéresse plus particulièrement à l'impact de l'organisation du travail, aux usages numériques et aux différences générationnelles. Parmi les résultats marquants, 58% des salariés interrogés constatent que le travail en air ouvert favorise les incivilités. Une perception identique, quel que soit le secteur d'activité, la taille de l'entreprise ou l'âge des salariés. Plus d'un salarié sur deux, 55%, considère par ailleurs que les comportements incivils sont liés à l'âge. Une opinion constante, quel que soit l'âge de la personne interrogée. Et pour un salarié sur deux, les plus jeunes générations, donc les 16-34 ans, sont perçus comme plus inciviles. Les 20-34 ans se montrent plus affectés par des comportements qui constituent une atteinte au respect de la personne, tandis que les plus de 55 ans réagissent plus vivement à des atteintes aux règles sociales, notamment lorsque l'interlocuteur écrit des courriels ou des SMS lors d'une réunion en face-à-face. 76% des gens rejettent cette pratique. Les conséquences des incivilités sur la productivité et la santé des salariés diffèrent selon les classes d'âge. 67% des 20-34 ans se sont sentis démotivés par rapport à leur travail. 59% pour les plus de 55 ans. 44% des 20-34 ans ont développé une mauvaise image d'eux-mêmes. 29% pour les plus de 55 ans. 34% des 20-34 ans ont fait une crise de nerfs ou de larmes au travail. 21% pour les plus de 55 ans. Tout ça selon ce même sondage. Les conditions d'utilisation de iTunes, est-ce que vous les avez déjà lues? Probablement pas, parce que c'est du texte. T'sais, il nous faut des images, hein? On est des gens visuels, il nous faut une bande dessinée. The Unabridged Graphic Adaptation iTunes Terms and Conditions Parts A, B, C, and D. Le long texte légal dont vous avez accepté les conditions sans les avoir lues sont désormais disponibles dans un format un peu plus amusant. Parmi les diverses plaies qui nuisent à l'existence des internautes, on retrouve sans contredit les fameuses conditions d'utilisation des divers services en ligne, nous dit branchez-vous.com. Celle d'Apple qui se rapporte à iTunes constitue 24 896 mots pour la version française du Canada, soit les trois quarts du nombre que l'on retrouve dans L'étranger d'Albert Camus. Il va de soi que le temps nécessaire à passer à travers de l'ensemble des conditions d'utilisation qui encadrent les services que vous utilisez au quotidien serait mieux investi à la lecture de quelques romans. Cela dit, si vous souhaitez être en paix avec vous-même et savoir ce que vous avez accepté exactement, l'initiative du dessinateur américain Robert C. Koryak risque de vous intéresser. The Unabridged Graphic Adaptation of iTunes Terms and Conditions est la reproduction intégrale du texte légal imposé par l'utilisation de la boutique en ligne d'Apple, amalgamé à des extraits de certaines des plus populaires bandes dessinées à avoir vu le jour. En passant par les traits d'Hergé, de Schultz, de Steranko et de Walker, C. Koryak a remplacé le protagoniste par une version adaptée de Steve Jobs, qui raconte de façon un peu absurde la totalité des conditions en question. Bien entendu, le projet n'est pas endossé par Apple. Je pense que c'est assez évident. Les conditions d'utilisation de la Tune sont sujettes à changement sans préavis et celles-ci ont été mises à jour pour la dernière fois le 21 octobre. Alors que l'initiative de Sikoriak a débuté en septembre, c'est déjà passé date. N'empêche que c'est sur un Tumblr, donc c'est iTunes TNC.tumblr.com, donc iTunes Terms and Conditions, mais sans le reste, donc iTunes TNC.tumblr.com. Une bonne petite idée et ça reste cocasse de voir les images d'une pomme et de Steve Jobs à la place des personnages principaux. La nouvelle stupide du moment, c'est ma nouvelle insolite. C'est Emoji Works qui lance un clavier à emoji pour iOS 9, OS 10 et Windows 10. Si vous êtes de ceux qui souhaitent s'exprimer presque exclusivement en emoji, il y a maintenant un clavier pour vous. En septembre dernier, le YouTuber londonien Tom Scott avait présenté au monde entier ce qu'il décrivait comme le premier véritable clavier à emoji, constitué de 14 claviers physiques. L'installation était loufoque, non conviviale et surtout une façon de démontrer l'absurdité du concept. Eh bien, il semble qu'il n'était pas le seul à travailler sur une telle proposition et aujourd'hui, Emoji Works dévoile sa proposition nettement plus conviviale, l'Emoji Keyboard, qui se décline en trois modèles, allant de « Je souhaite utiliser les emojis de base » à « J'ai besoin d'un maximum d'emojis pour être heureux », nous dit branchez-vous.com. Reprenant l'apparence du clavier Bluetooth d'Apple, le périphérique a été reprogrammé pour faire en sorte que chacune des touches principales comporte un, deux ou trois emojis distincts. Suffit de maintenir la touche emoji enfoncée et d'appuyer sur celle correspondant à l'emoji souhaité pour le voir apparaître à l'endroit où votre curseur est situé. Bien entendu, cette gamme d'emoji keyboard n'est offerte qu'en anglais, hein? Ouf! Difficile de prédire à quel point il sera possible de générer les accents nécessaires à la composition d'un texte en français, d'autant plus que la touche emoji semble être en réalité la touche option ou alt sur Mac, dépendant de votre langue d'utilisation. Toutefois, en maintenant enfoncer la lettre à accentuer, iOS 9 et iOS 10 El Capitan vous proposera une liste de choix d'accents correspondant à la lettre en question. Enfin, l'Emoji Keyboard Plus et l'Emoji Keyboard Pro demandent de maintenir la touche emoji avec Shift ou CTRL pour accéder au deuxième ou troisième niveau d'emoji, parce qu'il y en a en haut, en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite sur le modèle Pro. Ça commence à être beaucoup d'icônes. Une utilisation qui commence à devenir moins conviviale, d'autant plus qu'elle risque de venir interférer avec les raccourcis clavier de certains logiciels assimilés au cours de votre vie informatique. Si vous souhaitez vous procurer l'un des trois modèles malgré ses embûches, l'Emoji Keyboard est affiché à 79,95 $, le Plus à 89,95 $ et l'Emoji Keyboard Pro à 99,95 $. Il s'agit de prix réduit offert pour un temps limité. Détail en magasin. Les produits étant disponibles en précommande pour l'instant. Une nouvelle qui aurait très bien fité dans la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas du tout. On l'a, qui est assemblage requis. Les matins de 6h30 à 9h30. Voilà pour Scenix. On est rendu au top des jeux vidéo en 10e jusqu'à la 6e en rafale. Assassin's Creed Syndicate, NHL 16, Assassin's Creed Syndicate, Halo 5 Guardians et Call of Duty Black Ops 3 sur la PlayStation 3. En 5e, Call of Duty Black Ops 3 sur la Xbox 360. En 4e, Need for Speed sur Xbox One. En 3e, Need for Speed sur PS4. En 2e, Call of Duty Black Ops 4 sur Xbox One. Et en première, aussi Call of Duty Black Ops 3 sur PS4. Ça occupe 4 positions du palmarès, alors que Need for Speed a 2 positions et Assassin's Creed Syndicate 2 positions. Moi, si j'étais eux, je les fusionnerais ensemble et je mettrais Call of Duty Black Ops 3, toutes consoles confondues, en numéro 1. Mais ça, c'est juste moi, tu sais. Maintenant, on va passer à une autre de nos fameuses séries musicales. Des fois, on fait des séries musicales qui s'étirent très très longtemps, sur plusieurs semaines, même plusieurs mois. La dernière qu'on avait fait était sur Splatoon. Ça s'est quand même étiré sur, je dirais, un mois environ. La semaine passée, j'ai fait une mini-série sur la musique de Super Meat Boy. J'ai envie de continuer avec une autre mini-série, cette fois-ci du rap un peu, juste un petit peu. Hein, c'est Virus Upper Stew, voilà. Tantôt, on a entendu une pièce de Sonic the Hedgehog. On continue avec Super Sonic, un album rap qui s'appelle 50 Rings. Donc, ça va commencer avec la pièce d'introduction. C'est par Virus the Hedgehog, l'album 50 Rings. Voici pour l'instant Press Start. Simple de même. Et Mathieu Plancho! Virus the Hedgehog. Yo, shout out to Yuji Naka and the rest of the crew. Yeah, it's a beautiful sunny day. All my friends roll through. Barbecue with the crew, you know how I do. In the backyard, spitting flows, having a ball. Chilling with my neighbors, friends, family, and all. I had a bomb plate, so I grabbed some quick seconds. Equipment gets set up, and the homies are mic checking. So I ask if they can pass the mic. But then I look up and see Robotnik in a flash of light. Explosions everywhere, screams of terror and fear. Another bomb goes off, I feel a ringing in my ear. Fall to the ground, stumble around, half deaf, and then black out after I take my last breath. Woke up with a bandage and my rib was cracked. The homie had me in the safe house, we hid in the back. She told me they got Ricks and the kids were attacked. On top of that, the rhyme book in my crib got jacked. I tried to get up, but it's too painful to move. She pulled out an emerald and said, you know what to do. I closed my eyes and focused on the task at hand. She looked at me and said, so V, what's your plan? I don't know, all I know is I gotta go. I jumped up and spin dash out the front door. Running through the forest at night, flashback to the light. Man, Robotnik ain't ready for this fight. Can't believe I'm saying this, but it happened so quick. Swing on a small vine to avoid a spike pit. I think he was heading north, or maybe it was east. I'll just follow the trail of his robot beast. Came to a fork in the road, see some bots ahead. I spin dash, home and attack and stomp the heads. Man, green kush zone, what a hell of a day. I hear alarms start to sound as I head to his base. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Yo, this place is nuts. I better watch my step. Gotta find Robotnik. Hedgehog, yeah, spit the hotness, act one stage clear. Screw up, biting it, gotta stack the rings, that's what I'm about. Bounce on the spring, then I say peace, I'm out, you bout to lose. Screw you and your crew, enemies chase me while I zoom through loose. Run through the stage with the unmatched quickness. Remember to blink or you get motion sickness. Whole crew got game, but we don't play. Used to be your zone and I stack rings all day. I'm moving platforms, yeah, I never flop or fall. I hold my rings tight, cause if I'm hit, I drop them all. In a race against time, cause the clock say ticking. Enemies unloading, but they shots ain't hitting, whether day or night. Move fast at the speed of light, avoiding the bubbles with spits and modes. Fight to the ground ablaze, I'm a furious pace. Got time to kill, so hit up a special stage, but biting spots is slow and pretty dumb. But I can't complain, cause it's the kind I wanna. Be cool, he moves like spit, he moves. Crackle with a power up and cop some tissue. Swift and smooth, and I'm hot with the rhyme. Run fast, but I know that I can stop on a dime. You're too slow. You're too slow. Slow. Virus the Hedgehog. Cats are too slow, man, they can't keep up. I used to catch the dash, that means I used to bust it, dawg. Now I grab the microphone, turn it on and bust it, dawg. Found a couple power-ups, so I ain't in a rush at all. See Robotnik's bots? Yeah, you know I'm about to crush them all. These cats is way slow, V got that insane flow. Stay fly, like tails up in the tornado. You're too slow, but I got that smooth flow. That was too easy, I bet when I tell the squad that they won't believe me. You're too slow, don't choke and eat dust. I leave asphalt pavement, concrete crust. It's been a while since you've been exposed to a style this wild. Go ahead and smile when V busts. Break it down, bout to roll some weed nuts. Chillin' back, relax with my feet up. Enemies chill, I'm about to turn the heat up. Now it's time for me to wrap the boss and act three up. I'm zooming by like, you're too slow. I'm too fly like, you're too slow. Keep it fresh like, you're too slow. Be the best like, you're too slow. I'm zooming by like, you're too slow. While I'm screaming at the top of my lungs, you're too slow. You're too slow, you need to pick it up, dude. You're too slow, get a mouthful of dust, fool. Yeah, they set up barricades, but you know I just bust through. Imposters try to follow, but I leave them with scuffed shoes. Yeah, my style's cool, so the honeys digging that. And they know the flow's fat, like Big the Cat. Guarantee any beat, V will rip the track. That was too easy, you need to catch your breath before you start wheezing. Get it hopping like Bing, yeah, Bing, your homie. I could destroy you fast, so I could end you slowly. So fly, get high, then meditate at temples in the sky with my Echidna, homie. Might be in Sandopolis, puffin' some brown hash. Haters, I ain't got time for your clown ass. Wanna brawl, then I'll spin dash, edge guard, wave dash, and I'll leave you KO with a down smash. Yeah, I'm zooming by like, I'm too fly like, keep it fresh like, be the best like, I'm zooming by like, while I'm screaming at the top of my lungs, you're too slow. These cats are too slow. They don't know which way to go. These cats are too slow. Virus the hedgehog, let's roll. These cats are too slow. They too slow. Seriously. Virus the Hedgehog, You're Too Slow. Précédé de Chemical Plan Zone 2 et Green Kush Zone. Au tout début du bloc, Press Start. Voilà, le reste est disponible sur son Bandcamp. C'est rootoonrecords.bandcamp.com. L'artiste s'appelle Virus the Hedgehog et l'album s'appelle 50 Rings, évidemment un hommage rap à la musique de Sonic the Hedgehog. Maintenant, voici C'est un fait Tech Edition. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'ancienne. Je me suis trompé. C'est de ma faute. C'est un fait Tech Edition. M'a effacé l'autre, je pense. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait Tech Edition, la chronique où on regarde ce qui s'est passé à travers l'histoire à une date précise, comme, disons exemple, le 26 octobre. En 1936, c'était la première génératrice électrique qui a commencé à faire ce qu'elle avait à faire à Hoover Dam, le gros barrage, là, environ un mois après que le président Roosevelt ait fait sa... ait fait la dédication, comment est-ce qu'on appelle ça, quand il a déclaré que c'était ouvert, le Hoover Dam. En 1992... des problèmes avec CAD, le système qui distribuait les ambulances à Londres, ça a causé entre 30 et 45 morts. Mauvais entraînement, fuite de mémoire et aucun test sur la charge du système, ça a contribué à ces 30 à 45 décès. En 2004, Apple a montré pour la première fois le iPod Photo, capable de montrer des photographies bien sûr et des couvertures d'albums sur un écran couleur. En 2012, Microsoft sortait le système d'exploitation Windows 8 pour la première fois. Avec son écran d'accueil, avec des tuiles pour les gens qui ont juste des mognons, je pense. 27 octobre, sans aucun, c'est absolument pas méchant. 27 octobre 1904, c'est la première ligne de métro souterraine à New York qui était ouverte pour la première fois. Donc la ligne passait de la mairie dans le bas de Manhattan jusqu'à Grand Central, Times Square, et terminait au nord à Harlem. Ça coûtait 5 cents par voyage. En 1994, Hotwired amenait une très grande quantité de bannières publicitaires sur le web. Donc AT&T, Zima, MCI, Volvo, Club Med et 1-800 Collect ont tous payé pour le privilège d'avoir leur bannière sur Internet avec Hotwired. Ensuite, on passe au 28 octobre. En 1998, le président Bill Clinton a amené le Digital Millennium Copyright Act, ce qui faisait que c'était illégal, bref, pour vous d'utiliser votre ordinateur de la façon qu'il était supposé être utilisé, si les compagnies ne voulaient pas que vous le fassiez. En 2014, le W3C publiait ses recommandations pour l'HTML5, la version finale du standard. Ça incluait des étiquettes, des tags de vidéos, parmi d'autres améliorations. Ensuite, le 29 octobre, allons-y, en 1988, Sega lançait le Mega Drive au Japon. C'est sorti ailleurs dans le monde sous le nom de Genesis, mais au Japon, ça s'appelait la Sega Mega Drive. En 2012, Apple annonçait que Scott Forstall allait quitter la compagnie dans un an et que le retail head, le gars qui s'occupe des ventes, John Browelt, avait quitté la compagnie aussi à ce moment-là. En 2013, Motorola annonçait son projet pour un téléphone modulaire nommé Project Era. Finalement, ça allait devenir le projet de Google quand Google a vendu Motorola. Je pense que oui. Ensuite, le 30 octobre, je vais peut-être lire ces articles-là, je les dis à chaque fois. En 2012, Disney et George Lucas annonçaient évidemment que Disney allait acheter 100% de Lucasfilm, dont International Light and Magic, LucasArts et Skywalker Sound. La compagnie a aussi annoncé qu'il prévoyait sortir Star Wars épisode 7 en 2015, donc on est 3 ans plus tard et ça s'en vient. En 87, NEC a commencé à vendre la première console de jeux vidéo 16 bits, la TurboGrafx 16 Entertainment Super System. Au Japon, le nom était PC Engine, beaucoup plus cool comme nom. Ça allait devenir plus populaire, en fait, à l'origine, au Japon, que la Famicom, qui est ce qu'on appelle la NES, la Nintendo Entertainment System ici. Donc, c'était plus populaire, le TurboGrafx-16 au Japon. En 1938, Orson Welles fait une blague au public américain avec sa célèbre diffusion War of the Worlds. Ça a été montré, ça a été passé à la radio comme étant vraiment une pièce de théâtre. C'était annoncé au début, bien des gens qui ne savent pas, mais c'était annoncé comme une pièce de théâtre. Mais ceux qui ne portaient pas attention se sont fait prendre et penser que c'était vraiment une vraie chose. Donc War of the Worlds, une grosse blague de la part de Orson Welles. Le 31 octobre 2000, Bertelsmann Music Group, BMG, et Napster se sont entendus pour développer un service pour échanger de la musique. Le service ne s'est jamais matérialisé. C'était en 2000. En 2007, Nintendo du Japon a finalement arrêté de réparer les consoles Famicom, le nom japonais pour la NES, comme on en parlait tantôt. Il manquait de morceaux pour la console. C'était donc la fin de l'ère des 8 bits. Le 1er novembre 2015, c'est... j'arrive pas à dire l'année 2015, allô? On est en 2015 en ce moment. 1er novembre 1870, United States Weather Bureau, qu'on appelle maintenant National Weather Service, a fait son premier rapport météo. 24 observateurs ont envoyé des rapports par télégramme jusqu'à Washington, D.C. pour donner la météo. Vraiment très, très cool. En 1968, le MPAA, Motion Picture Association of America, et deux organisations de l'industrie, deux autres organisations, ont présenté pour la première fois le système de cotes sur une base volontaire. Donc, vous connaissez les cotes américaines, G, qui veut dire bon pour tous les âges, M pour mature 17+, R pour restreint, donc 18+, et X pour... Je pense c'est X 18+. R, c'est accompagné d'un... En tout cas, peu importe, là. Ça va devenir plus tard un modèle pour les systèmes qui sont utilisés sur une base volontaire, donc qui ne sont pas obligés de prendre, mais que tout le monde prend pour réussir à rentrer dans les magasins. Donc l'industrie du jeu vidéo a le même genre de cote. Pardon. 2 novembre. En 1920, KDKA à Pittsburgh a commencé à diffuser la première... C'était la première station de radio commerciale aux États-Unis. Leur première diffusion, c'était les résultats des élections. Pas les projections, les vrais résultats des élections. En 1936, BBC Television Service est arrivé en onde avec le premier service en haute définition, nous disait-il à l'époque. Oui, en 1936, à l'époque, haute définition voulait dire 200 lignes, et non pas les 1080 qu'on a de nos jours. La chaîne est devenue plus tard BBC One en 1964. Le 3 novembre, en 1992, Tim Berners-Lee a posté une page sur Internet pour décrire ce qu'était le World Wide Web. C'est la page la plus vieille qui est toujours sur Internet en ce moment, si vous la cherchez. Il y a un lien sur assemblagewiki.com, donc c'était la première page web la plus vieille qui est encore en ligne. Le 4 novembre, en 1879, James Jacob Ritty a breveté la prochaine caisse enregistreuse sous le nom de Ritty's Incorruptible Cashier, donc la caissière incorruptible, ou caissier incorruptible si on veut. Il a été motivé par les employés de son saloon qui n'arrêtaient pas de le voler. Donc c'est pour ça qu'il a dit que c'était le caissier incorruptible, mais impossible à corrompre. En 1939, Packard Motor Company a montré la première automobile à air climatisé au 40e Automobile Show à Chicago, en Illinois. Et finalement, en 1952, pour ce jour-là, juste après avoir fait le census, l'ordinateur Univac a projeté que le général Dwight David Eisenhower allait battre Adlai Stevenson pour devenir président des États-Unis. Tous les sondages montraient que Stevenson avait un avantage, donc CBS a remis la projection à plus tard. N'a pas utilisé le système de projection parce qu'il avait peur, ils avaient peur chez CBS qu'il y ait des imprécisions. Donc, ils n'ont pas utilisé le système Univac Computer à ce moment-là. Le 5 novembre 1895, le Bureau des brevets américains a accepté celui de George B. Selden, un brevet américain donc pour les chemins de fer, donc les trains, finalement. Pas les trains, pour son moteur de route, voilà, qu'on considère souvent comme la première voiture. Il a fait beaucoup d'argent en vendant son brevet jusqu'à ce que Henry Ford le détruise en cours. Donc c'est pour ça que personne ne conduit des Selden de nos jours, mais plutôt des Ford. En 1994, Ken McCarthy de l'Internet Gazette et Mark Anderson du tout nouveau Netscape, à ce moment-là qui s'appelait toujours Mosaic Communications Corporation, ainsi que Mark Graham ont fait la première conférence qui focusait sur le potentiel commercial du World Wide Web. Donc ça, c'était en 1994. En 2007, l'Open Handset Alliance a présenté un petit quelque chose qu'on appelle Android, le système d'exploitation pour les téléphones mobiles. Très peu de personnes s'attendaient à ce que ce soit vraiment quelque chose qui allait défier la dominance de BlackBerry et Palm à l'époque, mais Collins a réussi. Et de nos jours, BlackBerry et Palm sont très loin derrière Apple et Android. Le 6 novembre, en 1928, le New York Times a commencé à flasher a montré des grands titres à l'extérieur de sa bâtisse à Times Square en utilisant une pancarte, un affichage électronique qui s'enveloppait tout autour du quatrième étage, nommé le Motograph News Bulletin. En 1935, Edwin Armstrong a présenté un papier nommé A Method of Reducing Disturbances in Radio Signaling by a System of Frequency Modulation, donc une méthode pour réduire les dérangements et, dans le signal radio en utilisant un système de modulation de fréquence. Voilà. Wow. À la section new-yorkaise de l'Institute of Radio Engineers, l'Institut des ingénieurs radio. Donc, il a bravé le scepticisme, est-ce que ça se dit, ça, de John Renshaw Carson de chez AT&T, qui avait précédemment écrit que la radio FM n'avait aucun avantage par rapport à la radio AM. Ça, c'est en 1935 qu'il avait écrit ce papier-là. En 1980, Microsoft signait un contrat avec IBM pour créer un système d'exploitation pour les nouveaux PC IBM. Bill Gates et Steve Ballmer avaient réussi à convaincre cette compagnie de technologie que les deux étaient non seulement assez talentueuses pour réussir tout ça, mais qu'ils devraient se faire payer des royalties sur leur logiciel. Ça, c'est en 1980. Le 7 novembre 1994, la station de radio étudiante de l'Université de la Caroline du Nord, WXYC, a débuté, c'est ce qu'on considère, oui, comme la première diffusion radio sur Internet. Le DJ Michael Schaffner était derrière la console et la diffusion en simultané continue toujours aujourd'hui. Et finalement, le 8 novembre, en 1870, le US Weather Bureau, qui un jour allait devenir le National Weather Service, comme on a dit tantôt, a sorti son premier avertissement météo pour une tempête au-dessus des Grands Lacs. Elle était précise, son reportage était précis, mais il n'y avait pas encore le bip à haute fréquence comme on connaît aujourd'hui. En 1887, l'immigrant allemand Emil Berliner a breveté un système d'enregistrement du son qui utilisait des disques plats à la place des cylindres. Les premières versions, étaient faites de vitres. Donc, c'est ça. Et puis, en 1895... Oui, j'essaie de voir si je le traduisais, celui-là. En 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen travaillait dans son laboratoire à Würzburg. Il a remarqué un effet étrange lorsqu'il étudiait les tubes couverts de tableaux noirs. Éventuellement, il a vu son propre squelette et finalement, il a publié un papier nommé « On a new kind of rays », un nouveau type de rayon. Les rayons allaient évidemment plus tard être nommés des rayons X. Je les aurais appelés des rayons W pour Wilhelm Röntgen, il me semble. Opportunité ratée. On s'écoute une courte pièce de Really Brothers basée sur une pièce de Mega Man 2. C'est un réarrangement de la pièce Dr. Wily's Castle de Mega Man 2 qu'on écoute par Really Brothers. Et on se quitte après. La conclusion s'en vient. Restez là, au Mathieu Planchon. Brothers, la pièce Dr. Wily's Castle de Mega Man 2 remixée bien sûr par Really Brothers au Mathieu Plancho et c'est là-dessus là, que se termine une autre édition du Mathieu Plante Show. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, les mercredis de 15h à 17h et les jeudis à 13h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30 et au Palmarès C'est Fou les mardis de 15h à 18h. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show. Avec Mathieu Plante, c'est le Mathieu Plante. Vous avez été planté. On se quitte avec une pièce de Neil Ward, Warriors Opus de Super Mario Land 2. À la semaine prochaine. Bye bye. I'm gonna win. Me, Mario.